cours numéro 27. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, alhamdulillah, wa salatu wa salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Qala al-imam ibn Taymiyyah rahimahullahu ta'ala, wa min al-iman billah, wa bi kutubihi al-iman bi anna al-Qur'an kalamullah, munazzalun ghayru makhluq, minhu bada wa ilayhi ya'ud. وأن الله تكلم به حقيقة. الإمام ابن تيمية رحمه الله في هذا المتن المفيد dans cette عقيدة il a cité plusieurs passages ما يتعلق بهذه المسألة أي أن الله عز وجل يتكلم متى شاء سبحانه et القرآن c'est من كلام الله سبحانه. Précédemment, on a étudié quelques versets du Coran al-Karim sur le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a l'attribut de la parole et que le Coran ça fait partie de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala wa hakadha des ahadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Thumma, fi hadha al-bab, il a clarifié, il a résumé la croyance des salafs في هذا الباب العظيم فقال ومن الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود فسا la croyance de أهل السنة أن القرآن c'est كلام الله c'est la parole d'Allah سبحانه وتعالى منزل الله سبحانه وتعالى c'est lui qui l'a révélé qu'il l'a fait descendre sur le prophète Mohammed alayhi salatu wasalam, et هذا القرآن il est غيرو مخلوق. Aïe, c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'est pas créé. منه بدا وإليه يعود. وهذا سيأتي في الشرح. قال وأن الله تكلم به حقيقة وأن هذا القرآن الذي أنزله على محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره. Aïe, cette révélation que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a reçue, c'est la parole d'Allah azza wa jalla. C'est pas la parole d'un autre. C'est pas la parole de Jibril alayhi salam. C'est pas la parole du prophète alayhi salam. Là, c'est la parole d'Allah subhanahu que Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre sur notre prophète alayhi salam par l'intermédiaire de Jibril. Qala wala yajuz itlaq al-qawl bi annahu hikayatun 'an kalam Allah أو عبارة أي هذا قول الكلابية الأشاعرة كديز حكاية وعبارة قال بل إذا قرأه الناس وكتبوه في المصائح في أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله حقيقة أي ce qu'on lit dans les masahif ce qu'on récite dans notre salat ce qu'on apprend par cœur c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça reste la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Minhu bada. Ay al-mutakallim bihi ibtida'an, c'est Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, nous, on apprend la parole d'Allah azza wa jal, ou on la récite, ou on l'écrit. Kama yaqul ba'du al-a'imma, al-kalam kalamul bari, was-sawt sawtul qari. Quand on récite, c'est notre voix. Quand on écrit, c'est notre écriture. Lakin ce qu'on récite, ce qui est récité, ce qui est écrit, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Fahdhar min ash-shubah fi hadha al-bab. On doit faire attention aux ambiguïtés dans ce point. Les anna ahl al-bid'a, ils ont des shubah qu'on essaiera de citer insha'Allah ta'ala et de répondre avec kalam ahl al-ilm. Qala fa inna al-kalam innama yudaf haqiqatan ila man qalahu mubtadi'an la ila man qalahu muballighan mu'addiya. Na'am. Quand on dit c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, bien sûr, on doit prendre en considération هذا. أن الكلام يضاف حقيقة إلى من قاله. لأن البعض يزن شبهة يزن mais si c'est la parole d'Allah, pourquoi on le récite? Et pourquoi on l'écrit? Pourquoi on l'apprend par cœur? Pourquoi la parole elle est écrite dans un livre, dans un mushaf? Tout ça, ça change en rien. Ça change en rien. Le fait que la parole, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma, cette parole, elle a été écrite, elle a été apprise par cœur, elle est récitée, il a akhiré. قال وهو كلام الله حروفه ومعانيه contrairement à ce que المعطلة y prétendent. Al-huruf wal ma'ani, c'est min Allah. Al-huruf, c'est les lettres. Et le sens, c'est min Allah Azza wa Jal. La kama taqul al-muharrif al-asha'ira. Ils disent que le sens, c'est min Allah, lakin les lettres, elles sont créées. C'est pour ça que hada al-Qur'an, qui est écrit dans al-mushaf et qu'on apprend par cœur et qu'on récite, pour eux, c'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal. Là, c'est ibara. Ou yaqul hikaya. C'est une chose qui montre la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette chose, elle est créée pour eux. Amma le sunnah yaqulun la. Les lettres et le sens, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. L'imada liyanna le kalam, la parole, elle est faite de lettres et de sens. Amma divisé entre les deux, c'est une contradiction. Ou plutôt distingué ou séparé entre les deux, c'est une contradiction. Qala. وهو كلام الله حروفه ومعانيه ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف. Ce passage, il est très très important. وعلماء السنة كما تقدم معنا, ils ont donné beaucoup d'importance à هذا الباب. لماذا؟ لأن preuves من القرآن ومن السنة فكثيرة على أن الله عز وجل يتكلم على صفة الكلام عموما وعلى أن القرآن سكلام الله. هنا beaucoup de preuves. كذلك أهل البدع والضلال انحرفوا في هذا الباب, الجهمية والمعتزلة والأشاعرة والروافض وغيرهم. Ils se sont égarés في هذا الباب. Et aussi parce qu'ils ont beaucoup de choubah, ils ont beaucoup d'ambiguïté. Et on avait étudié auparavant avec certains frères, on avait résumé une risala mufida de Abdelaziz al-Kinani rahmatullah alayhi al-Hayda wa ba'dahum yaqul al-Hayda bil-Kasr. Ay Abdelaziz al-Kinani rahimahullah, c'est un imam à l'époque et il a été éprouvé comme abtulia l'imam Ahmed alayhim rahmatullah, et il y a eu une assise entre lui et Bishr al-Mirisi al-Mu'attil al-Dhal auprès du gouverneur al-Ma'moun al-Ma'moun. Na'am. Et al-Kinani rahimahullah, il a cité des arguments très très forts pour répondre aux ambiguïtés de al-Mu'attil al-Qur'an il est créé. Alladhi yurid al-mazid فليراجع هذه الرسالة. Elle est nafi'a jiddan. بعض العلماء, ils ont montré que c'est nisbatuha ila Abdelaziz al-Kinani fiha nazar. بعض العلماء, ils ont montré que c'était vraiment vraiment un livre écrit par Abdelaziz al-Kinani qui a résumé son assise, son débat avec Bishr auprès du gouverneur. Ala kulli hal, les ulama, ils ont accepté le livre. Que ça soit vraiment Abdelaziz al-Kinani qui a résumé son histoire ou c'est un autre savant, الأمر سهل لأن الكلام إلى صحيح العلماء اللي أكسبتي الحجج قوية des arguments très très forts pour répondre au choubah, et on l'avait résumé, on l'a propagé, ولله الحمد. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله. On lit le charh avant de revenir au matn, لأن dans notre livre il a cité les deux مسائل l'une après l'autre, أي مسألة الكلام ثم مَسَلَةُ الرُّؤْيَةِ. Et vu que c'est deux sujets différents, on lit l'explication. لِأَنَّ الشيخ سعدي رحمه الله, il n'a pas expliqué هُنَا مَا يَتَعَلَّغْ بِرُؤْيَةِ الْمُؤْمِنِينَ لِرَبِّهِمْ عَزَّ وَجَلْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْجَنَّةِ. Il n'a pas expliqué. لِمَاذَا لِأَنَّ il l'a déjà expliqué auparavant بِاختِصَار. وَإِلَّا فَإِنْشَاء اللَّهُ, on reviendra à cette partie. Faut on passe directement au شرح. قَالَ الْعَلَامَ الشيخ عبد الرحمن رحمه الله ووجه ذلك أنه داخل في الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بكلام الله على هذا الوصف الذي ذكره المصنف وأنه من الإيمان بالله لأنه وصفه والكلام صفة للمتكلم قوله ومن الإيمان به وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله أي من الإيمان به أي بالله. Il fait partie de la foi, de la croyance en Allah subhanahu wa ta'ala et en ses livres, le fait de croire, avoir la conviction, al-yaqin, la certitude que Al-Qur'an, c'est la parole d'Allah azza wa jalla. قال ووجه ذلك أنه داخل في الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بكلام الله على هذا الوصف على هذا الوصف أي كم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله لا démontré هنا c'est la voix des salaf أي أن القرآن c'est كلام الله الحروف والمعاني كما قال كما سيأتي إن شاء الله قال على هذا الوصف الذي ذكره المصنف وأنه من الإيمان بالله لأنه وصفه هاي صافي بارتي دو سيز اتريبيو فالله سبحانه وتعالى إلى لاتريبيو دو لا بارول وكلم الله موسى تكليما هذا لا ديتايي ولله الحمد بريسيدامون ومن هذا الكلام القرآن دونك القرآن صافي بارتي دو كلام الله سبحانه وتعالى كما أن التوراة والإنجيل صافي بارتي دو كلام الله سبحانه وتعالى التوراة والإنجيل كو الله سبحانه وتعالى إلى غيبيلي موسى عيسى عليهم الصلاة والسلام جميعا قال والكلام صفة للمتكلم لله تعالى نعم كانه هنا خطأ الله تعالى موصوف بأنه نعم كانه الله أما هنا لله قال الله تعالى موصوف بأنه متكلم إذا شاء بما شاء وأنه لا يزل ولا يزال يتكلم هذا تقدم معنا أنه لم يزل ولا يزال يتكلم أي أن صفة الكلام صفة ذاتية فعلية أي الله سبحانه وتعالى il a toujours eu cet attribut لأن celui qui n'a pas l'attribut de la parole c'est un naqs c'est une imperfection C'est un manquement. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il est parfait. Il a les attributs parfaits. Il a les noms parfaits, Azza wa Jal. Donc, il a toujours eu cet attribut. Thumma, qala, wa la yazal yatakallam. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il parle quand il veut. À qui il veut, comme il veut. C'est une sifa fi'liya. Allah subhanahu wa ta'ala, il a parlé à Adam. Il a parlé à Moussa. Il a parlé à notre prophète. Alayhim as-salatu as-salam jami'an. Il parlera à chacun de nous yawm al-qiyamah. ويتكلم بما شاء مع من شاء الله سبحانه وتعالى يبعل كم يلبو أكي يلبو قال وكلامه تعالى لا ينفد ولا يبيد كلامه لا ينفد ولا يبيد والدليل على هذا قوله عز وجل قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا ça c'est un exemple عظيم c'est un exemple عظيم si le bahr ça serait si tous les océans ça si tous les océans ça serait de l'encre enfin ça aurait pas été suffisant pour les paroles d'Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala يتكلم متى شاء بما شاء سبحانه et son kalam c'est pas comme le nôtre Allah subhanahu wa ta'ala il parle comme il veut قال ونوع الكلام أزلي أبدي ومفرداته لا تزال تقع شيئا فشيئا بحسب حكمة الله تعالى هذا تقدم نوع الكلام أزلي أبدي أي نوع الكلام أي الصفة صفة ذاتية فالنوع أي الوصف الله لا توجور أي الله سبحانه وتعالى لا توجور été متكلم Il a toujours eu cet attribut, attribut du kalam. Wa mufradatu la tazal taqa' shay'an fa shay'an. Al mufradat ay Allah subhanahu wa ta'ala il a parlé avec certains une certaine parole à Moussa, il lui a dit certaines choses. Il a dit certaines choses à Moussa, à Adam, il a dit d'autres choses à notre prophète Mohammed alayhi salatu wasalam. Il parlera à chacun de nous yawm al-qiyamah. Ça c'est ça le mufradat. Ay Allah subhanahu wa ta'ala il parle à des personnes différentes avec les paroles qu'il veut, Azza wa Jal. Fa ala kulli hal, et ça c'est très très important. Limada, li'anna, la différence entre Ahl-Sunnah et Al-Ash'a'ira Al-Muharrifa, dans cette sifa, c'est huna, c'est dans ce point. Vous avez remarqué que Al-Ash'a'ira yuthbituna ba'd as-sifat, on les a cités. Wa min hadhihi as-sifat al-kalam. Ils disent, anna parmi les attributs d'Allah Azza wa Jal, la parole. La tazun, annahum yuthbituna hadhihi as-sifat, كإثبات السلف كإثبات أهل السنة لا السلف يقول الله سبحانه وتعالى Il parle quand il veut. Il a parlé à Moussa, il a parlé au prophète Mohammed, il parlera à qui il veut, quand il veut. Subhan. Amma al-Ash'ari, ils disent là. Ils disent Allah, subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la parole. Et pour eux, c'est un kalam nafsi. C'est un kalam nafsi. Et ce n'est pas une parole avec des lettres, avec un son que un être humain il peut entendre. Là, eux, le kalam, pour eux, ça n'a qu'un sens. Ta'ammalou lihada. Pour eux, le Coran, la Torah, l'Injil, et toutes les paroles d'Allah Azzawajal, elles n'ont qu'un sens. Il n'y a aucune différence. Thumma, les sens qu'on lit dans le Coran et qu'on comprend, pour eux, c'est une créature. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala a créé pour montrer le kalam al-dhati al-nafsi. Hada al-hiraf al-ash'ira. Amma, on répète, aqidatu ahlus sunnah, anna naw' al-kalam. Anna naw' al-kalam. L'attribut lui-même, azali, abadi. Azali, c'est une chose qui n'a pas de début. Et Allah, il a toujours parlé. Abadi, il parlera toujours. Enfin, il a toujours parlé, c'est l'awwal, et il parlera toujours, c'est l'akhir. Azzawajal. Et toutes ces sifat, c'est comme ça. Il les a toujours, il les aura toujours. Limadha, Allah, subhanahu wa ta'ala, il est parfait, et il a toujours eu ses attributs. Amma al-mufradat. Et l'ulama, il dit, ahad al-kalam. Et les paroles elles-mêmes. Les paroles elles-mêmes, et l'action de parler, le fait de parler. Allah, subhanahu wa ta'ala, il parle à qui il veut, avec les paroles qu'il veut. Quand il veut, comme il veut, Azza wa Jal. Qala, Wallahu ta'ala adhafahu ila nafsihi fi qawlihi kalam Allah. Na'am. Wa in ahadun min al-mushrikina stajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé kalam Allah. Wa intabihu huna. Intabihu huna, c'est très très important. Léana, on répète, anna al-ash'ira yaqulun أن هذا القرآن pour eux il est مخلوق. Et ce Coran c'est une créature qui montre la parole d'Allah عز وجل. La parole d'Allah سبحانه وتعالى qui est un attribut من الصفات الذاتية. لكن vous avez remarqué que هنا قال عز وجل حتى يسمع كلام الله. Et si tu réfléchis, en tant qu'être humain, tu entends quoi? Tu entends le Coran. مثلا هذه الآية وإن أحد من المشركين استجارك. Et si un mushrik, hakada qala azza wa jal, au prophète Mohammed alayhi salatu salam, si un mushrik il te demande al-jiwar d'être son voisin, de vivre à tes côtés il a akhiré, va ajirhu, donne-lui la permission, hatta yasma'a kalam Allah, jusqu'à ce qu'il entende la parole d'Allah. Cet homme, mathalan, ce mushrik, ou nous aujourd'hui, ou n'importe quel croyant, quand on entend la parole d'Allah, on entend quoi? Est-ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous parle directement là? On entend une de ses paroles et le Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a appelé kalam Allah. C'est sa parole. Et al-mun'arifun, ils disent là. Ils disent c'est une ibara, c'est une hikaya. Et c'est une chose qui montre. C'est une chose qui montre la parole d'Allah. Wa illa pour eux, c'est pas la parole d'Allah. Il y en a pour eux, la parole d'Allah, tu peux pas la prendre par cœur. Tu peux pas l'écrire. Tu peux pas la lire. Et hada c'est min al-inhiraf. Encore une fois, inharafu limada, les anahum, ils se sont posé des questions inutiles. Inharafu limada, les anahum, ils ont délaissé la voie des salaf. Ijma'u salaf, anna al-Qur'an, c'est kalamullah. Ils n'ont jamais dit ibara ou la hikaya. Ils n'ont jamais rejeté anna la parole, c'est biharf, avec des lettres, avec des sons, abadan. Qawmul min ad-dhulal, ils sont venus après, et ils ont rejeté hada, wal-iyadu billah. Qala rahimahullah. في قوله كلام الله إضافة الصفة لموصوفها الصفة لموصوفها أي كلام الله يعني إضافة أي la parole d'Allah c'est pas la parole d'un autre c'est la parole d'Allah donc on dit c'est la parole d'Allah عز وجل قال فدل على أنه كلامه لفظه ومعناه ووصفه نعم لأن كلام الله هنا المراد في القرآن القرآن il est fait de quoi de lettres et de sens. Donc nous, on a la croyance que les lettres et le sens, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Amma ahlul bid'a ou al-mu'attila, ils ont rejeté. Imma ils ont rejeté que le sens, c'est la parole d'Allah. Imma ils ont rejeté que les lettres, c'est la parole d'Allah. Ahl al-sunnah, ils ont accepté les deux. Limada, lian al-Qur'an, il est clair fi hada. Qal wa idha kana kadhalik, kana ghayru makhluq. Si c'est un attribut parmi les attributs d'Allah Azzawajal, donc le Coran, il n'est pas créé. Pourquoi? Il y en a les attributs d'Allah, subhanahu wa ta'ala, ils ne sont pas créés. Tous les attributs d'Allah Azzawajal, c'est des attributs. Et les attributs, ce n'est pas créé, les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. فَلِهَذَا مِنْ عَقِيدَةِ أَهْلِ السُّنَّةِ يَقُولُونَ قَدِيمًا وَحَدِيثًا وَلِلَّهِ الْحَمْدُ الْقُرْآنُ كَلَامُ اللَّهِ غَيْرُ مَخْلُوقٍ. Pourquoi ils ont précisé غَيْرُ مَخْلُوقٍ alors qu'à l'époque, ils ne précisaient pas. À l'époque de Sahaba radiallahu anhum, ils ne précisaient pas غَيْرُ مَخْلُوقٍ. لِمَاذَا لِأَنَّ un qawm qui est apparu après l'époque des compagnons radiallahu anhum, المعتزلة الضلال خاصة المتأخرون منهم ils ont dit quoi? Ils ont dit أن القرآن il est créé et ça a fait une énorme fitna à l'époque de l'imam Ahmed, à l'époque de l'imam Al-Bukhari, à l'époque de l'imam Muslim, à l'époque de l'imam Yahya ibn Ma'in ou Ali ibn al-Madini ou Abdurrahman ibn Mahdi, tous ces grands imams à leur époque, il y a eu une très très grande fitna dans ce point. Hatta le gouverneur, il a été influencé par Al-Mu'tazila et il a décidé de forcer tout le monde à dire que le Coran, c'est une créature, c'est pas la parole d'Allah, Azza wa Jal. Falihada, l'imam Ahmed, rahimahullah, il a été emprisonné, fouetté, etc. Qala, wa man za'ama annahu makhlouqun min al-Mu'tazila فقد أعظم الفرية على الله ونفى كلام الله عن الله وصفا وجعله وصفا للمخلوق. نعم، celui qui dit que le Coran c'est une créature, c'est très très grave. Si c'est une créature, ça ne peut pas être un attribut d'Allah Azza wa Jal. Vu que ce Coran, walillahi alhamd, on est tous d'accord que le Coran il existe, on le lit, on l'apprend, walillahi alhamd. Donc s'il est créé, donc c'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal, donc c'est la parole d'un autre. Et hada, c'est très très grave. Et tous les ordres qu'il y a dans ce Coran, et les interdictions, et les informations, et la menace de châtiment, la promesse de récompense, tout ça, c'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est très très grave. Ils ont inventé une bid'a, et ils se sont égarés dans la base du din. Et la source, c'est le Coran, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Qalou, c'est pas la parole d'Allah Subhanahu. فلهذا تتخوف أشد الناس انحرافا وتناقضا. Tu trouves les gens qui sont le plus éloignés du din et qui se contredisent et qui ne donnent pas d'importance à beaucoup de choses de notre religion, c'est هؤلاء المعطلة. Pourquoi? Ils ont cette croyance que هذا القرآن c'est pas la parole d'Allah عز وجل, c'est une créature. Comme le soleil c'est une créature, comme la lune c'est une créature, comme toi tu es une créature, enfin ce Coran c'est une créature. قال ومن زعم أن القرآن الموجود بيننا عبارة عن كلام الله أو حكاية عنه كما قاله الكلابية والأشعرية فقد قال بنصف قول المعتزلة وقوم من أهل الأهواء وتأثروا بالمنحرفين كذلك. Un autre groupe qui s'est égaré, ils ont pris la moitié de la parole de l'Ahle Sunnah et la moitié de la parole de l'Mu'tazila. Ils ont dit, na'am, Allah subhanahu wa ta'ala, il a l'attribut de la parole. Lakin, Allah subhanahu wa ta'ala, al-kalam, il est nafsi. Il ne parle pas quand il veut, comme il veut. Là, Allah, il a toujours eu cet attribut. Mais le fait qu'il parle, une action, et ce livre qui a été révélé, al-Qur'an, c'est la parole d'Allah, fa'indahum, c'est pas possible. Ils ont accepté qu'Allah, il a l'attribut de la parole, et ils ont rejeté que Allah, yatakallam, qu'il parle, quand il veut. Azza wa Jal. هؤلاء c'est Al-Kulabiyya ou Al-Ash'ira. Ils ont pratiquement le même qawl. Et globalement, c'est le même égarement qu'ils ont. Lakin, ils ont quelques différences, certains points, qu'on ne détaillera pas ici. قال فالقرآن كلام الله حيث تصرف سواء كان محفوظا في الصدور أو متلوا بالألسنة. الألسنة. الألسن, c'est le pluriel de lisan. قال أو مكتوبا في المصاحف. فَلَا يَخْرُجْ بِذَلِكْ مِنْ أَنْ يَكُونَ كَلَامَ اللَّهِ كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفِ. Aïe, Al-Qur'an, qu'on apprend par cœur, qu'on récite avec nos langues, qu'on écrit sur du papier, ça reste la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Contrairement à ce que Ahlul Bida' disent. Ils disent que, vu qu'on le lit, vu qu'on l'écrit, etc., c'est une créature, là. On écrit la parole d'Allah Azzawajal. Et là, chacun a l'encre, il écrit. Là, chacun a ta voix, il écrit. Là, chacun a ton cœur, il écrit. Ça, il n'y a aucun problème. Lakin, al-matlu, al-maqru, al-mahfou, ce qui est récité, ce qui est appris et ce qui est écrit, c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Qala, فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. Et هذا c'est clair في الحقيقة. مثلا أنا je récite le Coran. فيا aucun doute أن la voix de l'être humain, etc. elle écrit. هذا on est d'accord. لكن المثل ce qui est récité c'est la parole d'Allah سبحانه وتعالى. لماذا؟ لأن tu récites la parole du Créateur سبحانه. Et c'est pour ça que cette différence, l'imam Ahmed, rahmatullah alayhi, il a fermé les portes. Et قال, celui qui dit, lafzi, bil Qur'an makhluq, c'est un jahmi. Celui qui dit, ma récitation, ou ma prononciation à l'écrit, c'est un jahmi. L'imam, là, pour fermer cette porte, pour différencier entre al-lafzi et al-malfoud, tu as deux choses, tu as ta récitation et tu as ce qui est récité. Ce qui est récité, c'est la parole d'Allah. Celui qui pense que ce qui est récité, c'est créé, la shak annahu, c'est un mu'attil. Lakin, il n'y a aucun doute, Anna, si tu écris le Coran, l'encre avec laquelle tu écris, ou le papier sur lequel tu écris, ou ta voix à toi, il n'y a aucun doute qu'à l'écrire. Va bien différencier ces deux points. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahmatullah alayh, il les a cités dans son charh, et c'est ce qu'on vient de résumer. Fa'ala kulli hal, on répète, fa'inna al-kalam innama yudhaf ila man qalahu mubtadi'an, la ila man qalahu mubalighan mu'attiya. L'ulama, il cite un exemple. مثلا نحن الآن on vient de lire la parole de qui قوله فإن الكلام إنما يضاف c'est la parole de Cheikh Saadi رحمه الله أنا quand je vous lis la parole je vous lis la parole de Cheikh Saadi enfin, si on vous pose la question qui c'est qui a lu c'est moi لكن j'ai lu la parole de qui de Cheikh Saadi est-ce que c'est ma parole là la preuve c'est qu'un jour je peux lire une parole et je ne suis pas d'accord Je lis la parole et après je dis هذا الكلام فيه نظر. Pourquoi? Parce que telle chose, telle chose, telle chose. Ça nous montre bien que ce qui est lu, c'est la parole de Cheikh Saadi. Et c'est moi qui l'a lu l'un. فلهذا قال فإن الكلام إنما يضاف إلى من قاله مبتدئا. مثلا أنت, tu peux citer la parole de quelqu'un et tu n'es pas d'accord avec lui. Ben on peut citer la parole de une parole de kufr. On dit مثلا celui qui dit telle chose et on cite une parole. C'est pas notre parole là, on fait que citer une parole. Donc cette parole, elle est attribuée à celui qui l'a dit à Wulan. Donc, هذا القرآن qu'on lit, qu'on apprend et qu'on récite, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. Amma Jibril, il a descendu sur le prophète Muhammad alayhi wa sallam. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il l'a propagé et la parole, c'est à qui? C'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. فلهذا قال وقول السلف كلام الله منه بدأ Minhu bada'a. Et la parole d'Allah, minhu bada'a. Bada'a, ça veut dire. Al-bida'a, c'est le commencement. Bada'a, ça veut dire commencer. Et on a le premier, ou plutôt la parole, c'est la parole d'Allah Azza wa Jal. D'autres, ils ont appris cette parole, ils l'ont recopiée, ils l'ont citée. Ils répètent la parole d'Allah Subhanahu. Falihada qal, ay, huwa alladhi takallama bih. وظهر منه لم يبدأ من غيره. Donc celui qui a parlé et c'est la parole de qui c'est d'Allah subhanahu wa ta'ala pas d'un autre. قال وقولهم donc هذا قوله قول السلف كلام الله منه بدأ. Ça c'est important. Cheikh l'islam il a cité dans le matn. On rappelle le matn. Hatta on fait toujours le lien entre l'explication et le matn. ومن الإيمان بالله وبكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود منه بدأ أي c'est Allah سبحانه وتعالى qui a parlé c'est sa parole هذا القرآن وإليه يعود قال وقولهم وإليه يعود أي يرجع أي يوصف الله به إليه يعود أي c'est un attribut d'Allah سبحانه وتعالى cet attribut il revient à Allah عز وجل c'est une صفة Parmi ces صفات, قال وقيل قوله إليه يعود, il y a deux sens. Le premier, إليه يعود, أي en tant que صفة. أي ce كلام, c'est un attribut parmi les attributs d'Allah عز وجل. Ça, c'est le premier sens. وقيل إن المراد بذلك ما ورد من أن أشراط الساعة أن يرفع القرآن من الصدور والمصاحف ولكن الأول أولى. Le deuxième sens, إليه يعود أي أن الله عز وجل سيرفع هذا القرآن avant la fin des temps. الله سبحانه وتعالى il va élever ce Coran كما جاء في بعض الآثار حتى il restera plus un مصحف. Tous les مصحف seront vides. Il n'y aura plus le Coran sur terre. Il n'y aura plus personne qui le connaît par cœur. Il n'y aura plus personne qui le récite. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'élèvera inda. Et maintenant, sur terre, plus personne n'aura de l'importance à ce Coran. Allah subhanahu wa ta'ala, il y arfa. Ça, c'est le deuxième sens. Cheikh Saadi, rahimahullah, قال, ولكن الأول أولى. Cheikh Saadi, il a montré, le premier sens, il est أولى. Il est plus clair, il est plus authentique. نعم. وشيخ ابن عثيمين رحمه الله dans son شرح قال ولا مانع أن نقول إن المعنيين كلاهما صحيح. نعم. Les deux sens ils se contredisent pas. Et vu que le premier sens il est clair et le deuxième sens c'est l'avis de beaucoup de savants qui est fondé sur des athar عن الصحابة رضي الله عنهم et certains de ces athar لهم حكم الرفع عند بعضهم. Il n'y a aucun problème. Les deux sens ils se contredisent pas et ils sont authentiques. Donc c'est la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala et la parole. Et كذلك Allah subhanahu wa ta'ala سيرفع هذا القرآن. Allah subhanahu wa ta'ala il va élever هذا القرآن avant la fin des temps et il ne restera plus sur terre. Ni dans des livres, ni dans les poitrines, ni personne ne le récitera. قال وهذه المسألة مسألة الكلام عظيمة تكلم الناس فيها على اختلاف طرائقهم ولكن المصنف رحمه الله ذكر في هذا الفصل كلاما في التكلم جامعا نفيا نعم جامعا نفيا ينظر هذه الكلمة نفيا مأخوذا من الأدلة الشرعية العقلية والنقلية كم خاض الناس في هذه المسألة أي من المتكلمين والمعطلة والأشاعرة والكلابية تخبطوا دي لون ديسكور et beaucoup de polémiques. Tout ça pour, à la fin, Yadam Billah, rejeter cet attribut. Ay, an Allah Azza wa Jal, il a l'attribut de la parole. Ou pour prétendre que Hadar Qur'an, c'est pas la parole d'Allah Azza wa Jal. C'est une chose que Allah il a créée pour nous montrer sa parole, il a akhri. Falsafa, c'est fondé sur la philosophie. C'est fondé sur l'ilm al-kalam. Pourquoi? Parce qu'ils ont délaissé la voix des salafs. Amma les salafs, ils résument Hadil Masala en une phrase. Que l'imam Nutaymiya, rahimahullah, il a cité. Al-Qur'an, kalamullah. Al-Qur'an, kalamullah. Munazzal, ghayr makhlouq. Minhu bada wa ilayhi ya'ud. Une phrase. Wallahi alhamd. Et chaque partie, tu peux appuyer, argumenter avec des versets du Qur'an al-Karim. Des hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et alhamdulillah. Tu ne perds pas ton temps dans la polémique. Wa ulama al-sunna, ils ont été contraints de répliquer, d'écrire des rudud. Pour répondre aux ambiguïtés de Ha'oula al-Dhullal. C'est pour ça que Cheikh al-Islam, le Taymiyyah, rahimahullah, tawassa'a fil rad alayhim, dans ses livres. Wa hakada l'imam ibn al-Qayyim, rahimahullah, tawassa'a. Et d'autres imams, parmi les imams de la Sunna. Thumma qal, wa amma koun hadha dakhilan fil iman bi kutubihi, fa inna al-iman bil kutub wa khususan al-Qur'an, يقتضي أن يؤمن العبد بكل ألفاظها ومعانيها وما دلت عليه من العقائد والمعاني الجلية فمن لم يؤمن بجميع ذلك فلم يتم إيمانه. Donc en tant que croyant bien sûr on doit donner de l'importance à هذا القرآن c'est كلام الله عز وجل et on doit croire en tous les versets et on doit mettre en application autant qu'on peut فاتقوا الله ما استطعتم. Celui qui est dans l'incapacité d'appliquer une chose, il est excusé. Celui qui a oublié, kadhalik, il est excusé. Celui qui s'est trompé, il est excusé. Et on fait des efforts pour mettre en application. Et kadhalik, on s'écarte des interdits. Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit beaucoup de choses. Fait al Qur'an, on s'en écarte. Kadhalik, on suit le prophète, alayhi salatu wassalam, les anna Allah azza wa jal, amarana bidhalik. Enfin, plus l'insan, il fait des efforts, plus ça montre qu'il a al-iman al-qawi. Et plus il a des manquements, plus ça montre que sa foi, elle est faible. قال واعلم أن المؤمنين بالقرآن على قسمين كاملين وناقصين. أي les croyants par rapport au Coran ils sont de deux catégories. قال أما الكاملون فإنهم أقبلوا على القرآن فتفهموا معانيه آمنوا بها واعتقدوا كلها عقدا وتخلقوا بأخلاقها وعملوا بما دل عليه امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه. هؤلاء المؤمنون الكاملون. Ceux qui ont fait beaucoup d'efforts. Al-Kamal, c'est l'Illah, Azza wa Jal. Le croyant, mahma balagha min al-ilm wal-iman wal-amal, ça reste un être humain et il aura toujours des manquements. Lakin, ha'oula, ils sont akmal min ghayrihim. Ça ne veut pas dire le kamilou, l'anahoum, ils sont parfaits. Là. Lakin, ils sont akmal min ghayrihim. Ils font beaucoup plus d'efforts que les autres. Leurs erreurs et leurs manquements, ils sont beaucoup moins que les efforts qu'ils font. Fa'oula akbalu ala al-Qur'an. Ils font des efforts pour le comprendre. Et ces étapes, elles sont très très importantes. Les annas, par rapport au Coran, ou ceux qui aiment le Coran, à cause de l'ignorance, ils ne donnent pas al-haq. Al-haq. Et ils ne suivent pas la voie des savants de l'islam pour apprendre هذا القرآن. وبعضهم مثلا يعتنون بالألفاظ فقط. Tu trouves certains croyants ils donnent de l'importance à l'alfaz, à la mémorisation. فبعضهم يحفظ القرآن et peut-être que le sens de l'Fatiha il le connaît pas. Il connaît certains mots si c'est un arabophone, il connaît certains sens, il y a des sens ils sont clairs. Lakin il ne donne pas de temps. Et هذا c'est un taqsir kabir. خاصة من وفقه الله تعالى أنه يحفظ القرآن أو يحفظ de nombreux أجزاء أو des parties. هذا لابد أن يعتني بالفهم. فلهذا قال فتفهموا معانيه ثم آمنوا بها. Bien sûr, ils croient en ces versets. واعتقدوها كلها عقدا. Ils n'ont pas fait de différence entre certains versets. لأن البعض كذلك un autre également, أن certains ils prennent, ils acceptent certains versets et ils rejettent d'autres. Maintenant, il dit cette chose, tu lui dis cette chose, c'est halal, il dit non, c'est halal. Ben, il est capable de te citer le verset. Donc, un autre verset qui montre qu'une chose c'est haram, il n'est pas d'accord. Hada, c'est très très grave. Amma ha'oula al-mu'minoun as-salihoun fa'attaqadouha kullaha aqdan. Ils ne font pas de différence. Et les mains, لأن الكل من عند الله سلا بارد الله سبحانه وتعالى قال وتخلقوا بأخلاقها وعملوا بما دل عليه امتثالا لأوامره واجتنابا لنواهيه. Et كذلك ils font des efforts pour mettre en application. Enfin, tu as plusieurs choses. Tu as la foi, أولا, le fait de croire que c'est la parole d'Allah. ثم tu as la compréhension. Et هذا ça demande des efforts. Des efforts dans la langue arabe, des efforts dans l'apprentissage du ilm, dans les cours de tafsir, etc. ثم, le fruit, la mise en application. Amma, connaître le sens et ne pas mettre en application, là, c'est une hujja contre le abd. C'est un argument contre cet homme ou cette femme qui connaissent le Coran. C'est un argument contre eux, on le qiyama. L'imam, les naoum, ils savent, ils n'ont pas d'excuses. قال ولم يفرقوا بين نصوصه كحال أهل البدع الذين آمنوا ببعض دون بعض. Ahlul Bida', ils acceptent certains versets et ils rejettent d'autres. Avec des ta'wilat, avec des shubuhat. Wa illa fa celui qui rejette un harf du Coran, s'il ne croit pas, hada c'est pas un mu'min. Kama qala as-salaf, radiyallahu ta'ala anhum, celui qui rejette un harf, il n'est pas d'accord, il ne croit pas en une lettre du Coran, c'est pas un muslim. Lakin tu trouves al-ba'd, il rejette l'ahkam. Il ne rejette pas al-huruf ou al-ayat. Il dit l'âme, c'est un verset du Coran. Lakin, il rejette le sens et il suit ses passions et il rejette la voie authentique. Ha'oula, c'est ahlul bid'ah. Kama qala azza wa jalla, fatu'minuna bi ba'd al-kitab wa takfuruna bi ba'd. Est-ce que vous croyez en une partie du livre et vous rejetez l'autre? Hada, c'est un très grave l'iman d'aliyana al-kul min indillah. Enfin, celui qui croit en Allah. Et ça, c'est min arkan al-iman. Al-iman billah. وملائكته وكتبه من كتبه بل أعظم كتاب et le dernier livre que Allah subhanahu wa ta'ala il a révélé c'est le Coran al-Karim. Donc on n'a pas le droit de croire en une partie et rejeter l'autre. Là, même celui qui a un manquement, ça arrive, on a des faiblesses, des manquements, tu ne peux pas appliquer ou tu as du mal à délaisser une chose, ne rejette pas le haq, ne dis pas là c'est faux, ça n'existe pas, vous avez emmené un nouveau din. خاصة si هذا الأخ يتسيت un verset On doit faire attention. Accepte, ça c'est la première étape. Accepte. Et tu as le droit de demander le sens. Tu demandes kalam al-mufassirin, kalam ahl al-ilm. Quand tu es sûr que c'est la vérité, fais des efforts pour appliquer. Ou pour délaisser, c'est quelque chose de haram. Al-Mabardi se précipite. Il rejette directement. Alors que le Mazakin, il pense qu'il rejette la parole d'un tel. Alors qu'il rejette un verset du Coran. قال رحمه الله وأما الناقصون فهم قسمان أي ceux qui ont des manquements par rapport au Coran il a recité deux cas قسم مبتدعون وقسم فاسقون ظالمون le premier cas c'est les innovateurs le deuxième cas c'est ceux qui font des péchés أما المبتدعون فكل أو فكل من ابتدع بدعة ترك لها شيئا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهؤلاء على مراتبهم في البدعة بحسب ما خالفوا فيه. أما المبتدعة à cause de leurs innovations ou par rapport à leurs innovations, ils délaissent des textes. Et ça, c'est une règle. ذكرها أهل العلم الإمام ابن تيمية رحمه الله وغيره. Ils ont cité هذا أن celui qui fait une bid'a, il délaissera forcément une sunna. Une sunna qui est fondée sur un hadith du prophète عليه الصلاة والسلام ou une adoration qui est fondée sur un verset du Coran. La bid'a. Celui qui fait une bid'a, c'est pour se rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une adoration qu'il a inventée. Cette adoration, elle prendra la place d'une vérité. Hada la bid'a. Prends l'exemple al-azkar ba'd as-salat. Celui qui fait une bid'a à ce moment, il délaissera la sunna. Ba'd an-nas après salat, ils font des choses ma anzal Allah biha min sultan, il n'y a aucune preuve, aucun argument. Même un hadith d'aïf, tu ne trouves pas. C'est des pures inventions, des coutumes. Et vu qu'après salat, tu as un temps limité. Il y en a l'insel après salat, après il se lève, il va à ses préoccupations. Bardoum, il travaille, bardoum, il étudie. Le mohim, tu as un temps pour appliquer une sunna. Après le teslim. Regardez, s'ils font des bidats, ça dure 2 minutes, 3 minutes. Ils font des doigts en groupe, ils se serrent la main, il a akhri. Et ce moment pour appliquer sunna, thumma, ils se lèvent et ils vont à leurs occupations. Donc, ce moment, vu qu'ils ont fait une bid'a, ils ont délaissé une sunna. Wahakada. Hakada al-mubtadi'a. Ceux qui ont dit que Al-Qur'an, il est makhlouq, mathalan, c'est une bid'a. Taqadou, une bid'a. Une bid'a très très grave. Ils ont délaissé Al-Haq. Vu qu'ils ont cru que le Qur'an, il est makhlouq, ils ont délaissé la vérité. C'est le fait de croire que le Qur'an, il est ghayr makhlouq, il n'est pas créé. Wahakada, toutes les bid'a. On fait attention. Al-bid'a, c'est une musiba. Al-bid'a, c'est une musiba. C'est pour ça que Sofiane, rahmatullah alayhi, كان يقول أن Iblis, quand il a vu que بعض الناس ils aimaient le din et ils ne faisaient pas, ils n'arrivaient pas à les égarer directement avec des péchés clairs, il les a égarés avec le bid'a. Et le bid'a, comme بين الإمام Sofiane, rahmatullah alayhi, elle est أشد من المعصية. لماذا؟ لأن البدعة الإنسان il pense qu'il adore Allah سبحانه وتعالى. Alors que c'est très très grave comme péché. Enfin, on doit faire attention. Le bid'a c'est une musiba. Valihada, al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam قال كُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَ. Chaque bid'a c'est une ضَلَالَ. La taqtar bi man yaqul ya des bid'a hasanaya. قول النبي sallallahu alayhi wa sallam c'est le haq. Même si certains imams ils ont dit hada, le kalam il est mardoud. On peut pas mettre en opposition une parole même d'un imam face à celle du prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam. Abadan. Le prophète sallam قال كل بدعه ضلاله. La bid'a c'est que du char. La bid'a c'est même celui qui a une bonne intention son amal il est pas accepté. Cette bid'a qui va n'est pas acceptée. Est-ce qu'il est excusé amla? C'est autre chose par rapport à son ignorance. Amma des hasanat par rapport à cette bid'a, فهذا c'est بعيد. إلا son intention, Allah subhanahu wa ta'ala a'lam bi ha'ula wa illa va al'amal il est mardoud. من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. Ça c'est كلام النبي عليه الصلاة والسلام. On doit faire attention et ne pas se laisser aller. كم من الناس perdent leur temps في البدع. بعضهم des années et ils ont des habitudes qui sont fondées sur des coutumes et l'ignorance et c'est une adoration qu'ils ont l'habitude de faire et c'est des bid'a. Que ça soit dans le mois de Sha'ban, que ça soit dans le mois de Rajab comme on a vu, que ça soit في شهر رمضان et chaque année ça revient. Et بعضهم للأسف ils sont conseillés ils rejettent. Haoula c'est encore plus grave. Et là, ils ont été conseillés, la preuve à leur est parvenue, ils rejettent. Haoula leur cas il est très très grave. Et ils perdent leur temps alors qu'ils font des efforts. لكن التوفيق من الله عز وجل. Ils auraient fait ces efforts, بإذن الله عز وجل. في السنة, ils auraient une récompense énorme. لكن هكذا الشيطان. Il fait tout pour égarer l'être humain avec البدعة. خاصة l'être humain qui aime le دين. بعض الناس, ils font des بدعة parce qu'ils détestent le دين. Là, ils aiment le دين. لكن الشيطان, il les a égarés. لأن l'amour du دين, ça ne suffit pas. Il faut aimer le دين et connaître le دين. أما aimer le دين sans علم, c'est ce qui a causé l'égarement de ceux qui étaient avant nous. Beaucoup de gens, ils se sont égarés pas parce qu'ils détestaient la religion. Là, là. Ben, ils aimaient, ils ont exagéré, ils n'ont pas fait d'effort dans l'ilm. Et après, ils se sont enorgueillis, la fierté, ils ont rejeté la vérité, ils se sont égarés. Thumma, à la fin, ils finissent, iyadun billah, par détester al-sunnah. Et ils aiment al-bid'ah. Ben, nas'alullah azza wa jalla al-salam. Qal wa amma al-fasiqoun. Aïe, ceux qui font des péchés. فهم الذين عرفوا أنه يجب عليهم الإيمان بالكتاب والعمل به فاعترفوا بذلك ولكن أعمال ولكن أعمالهم ناقضت أقوالهم فتجرؤوا على مخالفة الكتاب بترك كثير من واجباته والاقتحام على كثير مما نهى عنه من غير أن يجحدوا هؤلاء الأخكايل موين غرام يغوكونس الذين عرفوا أنه يجب عليهم إساب que le Coran c'est la parole d'Allah, ils aiment le Coran et ils reconnaissent que la vérité est dans le Coran, mais ils ont des faiblesses, ils font des péchés. Maintenant, ils savent que az-zina c'est interdit, peut-être qu'ils connaissent le verset et ils ne rejettent pas, mais il a des faiblesses, enfin, il fait ce genre de péché. Yadam billah qala walakin a'maluhum naqadat aqwaluhum. Naam, ce qu'ils font, ça contredit ce qu'ils disent et ce qu'ils pensent. أي leur amour du Coran, etc. قال والاقتحام على كثير مما نهى عنه من غير أن يجحدوا. نعم, أما الجحود, c'est grave. الجحود, c'est du كفر. Celui qui rejette les versets du Coran, c'est du كفر. Même s'il applique. On قدر واحد, il applique le Coran, لكن il le rejette. Il dit, c'est des mensonges. Il a fait, il a fait que c'est un كفر. حال المنافقين. المنافقون, ils ont mis en application. Ils ont fait le salat, ils ont fait le jihad, ils ont fait le hajj, etc. Il a fait qu'ils ont appliqué des versets. لكن au fond d'eux, ils ne croyaient pas. هذا c'est du kufr. Amma haoula la, ils ont l'iman, lakin ils ont des problèmes et des manquements dans la mise en application. قال ولكن نفوسهم الأمارة بالسوء غلبتهم واستولت عليهم. نعم, haoula, ils ont suivi leur passion. Leur nefs, elle a pris le dessus. Certaines obligations, ils ne les font plus, et certains péchés, ils les font. قال فنسأل الله تعالى أن يجعلنا ممن آمن بكتابه إيمانا صحيحا حتى نكون لجميع نصوصه معتقدين ولأوامره ونواهيه خاضعين إنه جواد كريم دعاء طيب. Ça, ça nous montre que nos principaux efforts, ça doit être pour comprendre هذا القرآن. هذا القرآن, il est fondé sur التوحيد. هذا القرآن, il est fondé sur ou plutôt le principal ou la principale obligation, c'est l'iman. Le Coran kulluhu tawhid comme a dit l'imam Ibn al-Qayyim rahmatullah alayhi, on doit lui donner de l'importance. Hifdhan wa tilawatan wa dirasatan. On doit faire des efforts pour l'étudier, pour le lire, pour le comprendre. Ça doit être notre principal objectif. Limadha li'annahu c'est kalamullah. C'est la source principale. Tous les autres livres, tu pourras prendre, rejeter certaines choses, prendre. Mais هذا القرآن فكله حق كلام الله. Et tous les autres livres, c'est par rapport à ce Coran. Si le livre il est basé sur le Coran, il y aura du khayr. Si le livre il contredit le Coran, il y aura pas de khayr. On doit donner de l'importance à la source. Et alhamdoulillah, on vit à une époque où al-wasa'il tayassarat. Beaucoup de savants, ils ont expliqué le Coran, tu as des livres de tafsir, tu as walillahi alhamd des livres spécifiques pour expliquer les mots du Coran, tu as des livres sur Ulum al-Quran, tu as des livres sur Nasikh wal-Mansukh, tu as des livres sur I'rab al-Quran, tu as des livres sur Ahkam al-Quran, tout ce qui est lié au fiqh dans le Coran, tu as des livres sur Asbab al-Nuzul, à quel moment tel verset est descendu et l'histoire de ce verset, dans quelles circonstances il a été révélé. C'est une ni'ma azima, ça demande كعب فقط de faire des efforts. Et كذلك اعلم ان كما تقدم معنا ان celui qui s'occupe par le batil il délaissera le haq. Celui qui est occupé par la polémique, par le qil wal qal, par les rumeurs, par un tel il a dit, un tel il a fait, par le dunya, il ne trouvera plus de place pour ce Coran. Ce Coran, ça doit être notre principal objectif et on doit lui donner al-waqt hatta il rentre dans notre cœur. Amma, si ad-dunya ou autre, elle rentre dans notre cœur, bah, ad-dunya, il se rassemble pas. Al-Qur'an, il ne se rassemble pas avec ad-dunya, avec, avec ce qui contredit al-Qur'an. On peut finir par certaines masa'il, bi-ikhtisar, il y en a ce bab, on l'a déjà vu, walillahil hamd, ensemble. Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, dans son charh, il a cité des adillah par rapport à la définition très très importante que Cheikh Al-Islam a cité au départ. Qawluhu, Al-Qur'an, kalamullah, munazzal, ghayru makhluq, minhu bada ilayhi ya'oud. Amma, anna, Al-Qur'an, c'est kalamullah, alhamdulillah, on a étudié ensemble précédemment certains versets. Parmi ces versets, Qawluhu, azza wa jal, wa in ahadun minal mushrikeen astajaraka, فأجره حتى يسمع كلام الله. Donc, هذا c'est واضح. Ce que cet homme il allait entendre, c'était le Coran. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il a appelé هذا le Coran كلام. كلام الله. Donc, أضافه إلى نفسه. Et cette إضافة, c'est إضافة صفة إلى موصوف. Et c'est un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. وهذا, on l'a étudié ensemble précédemment. قوله منزل كذلك. On a étudié des versets. أن ce Coran, il a été descendu. قال عز وجل إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون وقوله إنا أنزلناه في ليلة القدر. Donc Allah subhanahu wa ta'ala il a fait descendre ce Coran. Et تقدم معنا أن أدلة التنزيل تنزيل القرآن c'est des أدلة pour العلو كذلك. Si Allah il a descendu ce Coran c'est qu'Allah il est au-dessus عز وجل. قوله غير مخلوق. La preuve que ce Coran il n'est pas makhlouq, c'est qawluhu ta'ala ala lahul khalq wal amr. Ala lahul khalq wal amr. A Allah subhanahu wa ta'ala appartient al khalq, et la création wal amr. Donc Allah subhanahu wa ta'ala la différencie entre le khalq wal amr. Al khalq c'est la création et l'amr. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen wal Quran min al amr. Al Quran il fait partie du amr. ثم قال لقوله تعالى وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا أي nous t'avons révélé روحا من أمرنا أي de notre أمر. Donc ça nous montre que le Coran il fait partie du أمر. Et on revient au verset 1, le premier ألا له الخلق والأمر. Donc Allah il a le خلق, la création et il a l'أمر. نعم كن فيكون. Ça c'est من أمر الله عز وجل. فكن c'est une parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ça nous montre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas créée. Et la créature, elle est créée. Donc Allah, il a bien différencié entre l'amr, son ordre, et min al-amr al-Qur'an, et la création. Donc on n'a pas le droit de mélanger. Hada sa istidlal qawi. Qawluhu minhu bada, il a cité comme adilla, wa innahu latanzilu rabbil alamin. Wa innahu latanzilu rabbil alamin. Et celui qui l'a fait descendre, qui l'a révélé, c'est Allah. Donc c'est kalamullah, ça revient à lui. Même si quelqu'un le récite, même si quelqu'un le répète, et là, akhir. Taqaddam ma'ana kadhalik, qawluhu la kalam ghayri. Ay annahu c'est kalamullah, qala Cheikh al-Islam, huwa kalamullah haqiqatan la kalam ghayri. Hada c'est dans le matn. Taqaddam ma'ana anna la yushkil alayna qawluhu azza wa jal, innahu la qawlu rasulin karim. Naam. Et dans l'autre verset, innahu la qawlu rasulin karim. Le premier, c'est le prophète Mohammed alayhi sallallahu alayhi wa sallam, min surat al-haqqa, et fi surat al-takwir, al-murat al-jibril, alayhim al-salatu wa sallam. Taqaddam ma'ana huna anna al-idhafa, c'est par rapport au tablir. Et c'est eux qui l'ont. Jibril l'a fait descendre sur le prophète alayhi sallallahu alayhi wa sallam, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il l'a propagé. Pas annaha, anna plutôt al-Qur'an, c'est leur parole. قال شيخ ابن عثيمين فالجواب عن ذلك أن نقول لا يمكن أن نحمل الآيتين على أن الرسولين تكلم به حقيقة وأنه صدر منهما لأن كلاما واحدا لا يمكن أن يصدر من متكلمين. Et ça c'est un جواب طيب. ما أدري est-ce qu'on l'avait cité ou pas. La preuve que c'est pas la parole de Jibril ou c'est pas la parole du prophète Muhammad عليهم الصلاة والسلام c'est qu'il a été هنا Le kalam udhifa ila Jibril et ila Muhammad, aux deux, alors qu'on sait que c'est une parole. Donc si udhifa il a été lié dans le premier verset au prophète Muhammad et dans le deuxième à Jibril alayhi as-salatu was-salam, ça nous montre que c'est pas leur parole, c'est la parole d'Allah azza wa jalla. Et vu que udhifa ila al-ithnayn alayhim as-salatu was-salam, c'est pour montrer que ha'oula ballaghou, c'est eux qui l'ont propagé. Jibril, il a révélé au prophète Mohammed et le prophète Mohammed il l'a propagé à la umma. Hada. Wa illa fal kalam, c'est kalamullah. Subhana. Qawluhu wala al-ma'ani doun al-huruf. Et on avait dit tout à la fin, wala al-ma'ani doun al-huruf, à la fin du matn. On avait dit, hada, c'était kalam al-ash'a'ira. Et ils disent que le sens, c'est min Allah, lakin al-huruf, c'est pas min Allah. Enfin, pour eux, c'est un kalam nafsi. Un kalam nafsi, c'est une sifa d'atiya. Amma, ce que Moussa, il a entendu, mathalan. Ou ce que le prophète Mohammed, il a entendu. Ou ce que le prophète Adam, il a entendu. Sallallahu alayhim jami'an. Fa'indahum, c'est pas la parole d'Allah. Qala Cheikh Ibn Uthaymeen, rahimahullah, wa hadha madhhab al-kullabiyya wal-ash'ariyya. Fa'kalamu Allah, indahum, ma'na fi nafsi. Ma'na fi nafsi, c'est une sifa d'atiya. C'est pas une action. Là, Allah, il l'a toujours eu. Et pour eux, c'est le même sens. C'est un kalam nafsi. C'est pour ça que pour eux, il n'y a aucune différence entre le Coran, la Torah ou l'Injil. Pour eux, c'est tout ce kalam Allah, il n'y a pas de différence. Illa anna le Coran, abra bihi bil arabiya. Le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, cette créature, elle a été en arabe pour montrer aux gens le sens. Et la Torah, en hébreu, l'Injil, une autre langue. Fahada. Illa pour eux, kalam Allah, c'est le même sens. Donc, pour montrer ce sens, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des créatures. Ah, là, c'est un kalam très très grave. Qala thumma khalaqa aswatan wa hurufan tadul ala hadha al-ma'na imma ibara ou hikaya. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé des sons, des lettres pour montrer ce sens. En langue arabe pour le Coran, en hébreu pour at-Tawrah, ou hakada. Kadhalik, et on finit par hadha. أن الذين يقولون من المعطلة ceux qui prétendent que القرآن il est créé عياذا بالله استدلوا ببعض الآيات, ils ont des ambiguïtés et ils se sont basés sur des versets qu'ils ont mal compris. Parmi ces versets, قوله عز وجل الله خالق كل شيء, الله خالق كل شيء. Et ils ont dit le Coran c'est shay. Le Coran c'est une chose. Et Allah subhanahu wa ta'ala il a créé toute chose. Donc le Coran il est créé. Ah là c'est très très grave. Cheikh Ibn Uthaymeen rahimahullah قال. Hada c'est toujours dans son sharh. Lakin c'est pas le sharh du matn qu'on vient de lire. Là c'est le sharh du kalam au début. Ay na'am. عند إما عند الآيات إما عند الأحاديث نعم عند الآيات أي tous les versets qu'il a cités pour montrer l'attribut de la parole. فشيخ ابن عثيمين il a cité ce كلام. قال الجواب من وجهين. الأول أن القرآن كلام الله وهو صفة من صفاته وصفة الخالق غير مخلوق. أولا le Coran c'est il fait partie de la parole d'Allah عز وجل et la parole d'Allah سبحانه وتعالى c'est un attribut parmi ses attributs et les attributs d'Allah سبحانه وتعالى ils sont pas créés. Sa vie, son ilm, etc. Tout ça, c'est pas créé. Mais c'est des attributs. الثاني قال أن مثل هذا التعبير كل شيء عام قد يراد به الخاص. قد يراد به الخاص. En langue arabe, quand on dit كل, ça veut pas dire forcément tout, ça englobe tout. قال شيخ ابن عثيمين مثل قوله تعالى عن ملكة سبا وأوتيت. قال ونعم وأوتيت من كل شيء. وَأُوْتِيَتْ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ أي on lui a donné toute chose. Est-ce que Malikatu Saba elle possédait toute chose? Est-ce qu'elle possédait les cieux? Est-ce qu'elle possédait le trône? Est-ce qu'elle possédait le kursi? Est-ce qu'elle possédait les anges? Là. بَلْ شَيْءٌ مِنْ عَثَيْمِينَ قَالَ وَقَدْ خَرَجَ شَيْءٌ كَثِيرٌ لَمْ يَدْخُلْ فِي مُلْكِهَا مِنْهُ شَيْءٌ مِثْلْ مُلْك سُلَيْمَان. Suleyman il vivait à l'époque de Malikatu Saba. Malikatu Saba c'est la reine de Saba. Et Allah subhanahu wa ta'ala lui a donné beaucoup. À son époque, Suleyman, il vivait. Est-ce qu'elle avait le mulk de Suleyman? Elle l'avait pas. Mais à ce qu'Allah azza wa jalla, wa outiyat min kulli shay. On lui a donné de toutes choses. Ça montre un nakul en langue arabe. C'est par rapport au contexte. فَمَثَلًا قَوْلُهُ عَزَّ وَجَلَّ اللَّهُ خَالِقُ كُلِّ شَيْءٍ. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes les créatures. Naam. Toutes les créatures, c'est Allah qui les a créées. Est-ce qu'on va faire rentrer vihada les attributs d'Allah azza wa jalla? Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il a créé toutes choses créées. Amma les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, le Coran mathalan, la parole d'Allah, elle n'est pas créée. Il n'y a aucun doute que le mushaf, c'est le livre qu'on a, ou que le Coran, il est écrit. Là, chacun a le mushaf, les papiers, la couverture, le carton, l'encre, même. Ça, c'est une créature, il n'y a aucun doute. Lakin, le kalam qui a été recopié, c'est kalamullah. Azza wa jal. Va bien différencier entre hada ou hada. Naam. Kadhalik, on peut ajouter d'autres choubah qu'ils ont. Donc, la première, ils se sont basés sur qawlullah azza wa jal. Allahu khaliqu kulli shay. Et, wallahi alhamd, Cheikh Ibn Uthaymeen, il a cité une réponse mufide. Kadhalik, قوله عز وجل إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. Ils ont dit جعلنا en langue arabe c'est خلق. جعل en arabe le verbe جعل c'est خلق, c'est le sens de خلق, créer. Et Allah عز وجل قال إنا جعلناه قرآنا عربيا. Donc ils ont compris et nous l'avons créé en langue arabe claire. العلماء Cheikh Islam le Taymiyyah rahimahullah, Cheikh Ibn Uthaymeen كذلك. Ils ont démontré anna ja'ala, il a plusieurs sens. Si ja'ala yata'adda ila maf'oul wahid, c'est bima'na khalaqa. Si il y a deux maf'oul, c'est bima'na sayyara. Fa qawluhu matalan inna ja'alnahu qur'anan arabiyan. Tu as deux maf'oul. La preuve, c'est que le Coran, il est mansoub, arabiyan, il est mansoub. Donc, tu en as deux. قوله وجعل الظلمات وجعل الظلمات هنا سبي معنى خلق. نعم وجعل الظلمات الله إلى كخي الظلمات والنور نور هنا إلى معطوف إلى معطوف على الظلمات. donc جعل أي خلق الظلمات والنور. أما قوله إن جعلناه قرآنا عربيا هذا سبا بمعنى خلق أبدا. les savants de la langue arabe ils sont clairs في هذا. Ils sont clairs que ja'ala, ça peut être le sens de khalaqa, lakin sous certaines conditions. Ça peut être le sens de sayya. Ça, c'est pas le fait de créer. C'est Allah subhanahu wa ta'ala, il a fait ce Coran, sa parole, elle est en langue arabe claire. Et il a voulu que sa parole, elle soit en langue arabe claire. Ça veut pas dire qu'il l'a créé. Et pour comprendre cette réfutation, il faut avoir certaines bases en langue arabe. Et connaître le maf'oul. الذي نعم الفعل الذي يتعدى إلى مفعول إلى مفعولين etc. كذلك قوله عز وجل نختصر نعم ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. Ils ont dit المحدث c'est le مخلوق. Quelque chose de حادث de محدث c'est quelque chose d'inventé de مخلوق. فإذا عندي قوله وما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث. أي tout ce que Allah سبحانه وتعالى le révèle comme محدث, comme créature. Ils ont compris هكذا. شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الفتاوى قال المحدث في الآية ليس هو المخلوق الذي يقوله الجهمي ولكنه الذي أنزله جديدا. أي Cheikh al-Islam, rahimahullah, il a démontré que le muhdath, ce n'est pas quelque chose de créé. Le muhdath, c'est quelque chose de nouveau. Mazalan, Allah, subhanahu wa ta'ala, il a révélé un verset il y a deux mois. Mazalan, à l'époque du prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, il révélait des versets, mazalan, il y a six mois. Thumma, aujourd'hui, révélé au prophète, alayhi sallallahu alayhi wa sallam, un nouveau verset. Ce nouveau verset, c'est un verset muhdath, et nouveau. C'est la parole d'Allah, azza wa jalla, lakin, il a été révélé après le précédent, c'est clair. Enfin, à chaque fois qu'Allah subhanahu wa ta'ala il le révélait un nouveau verset, qui est la parole d'Allah azza wa jalla, illa istama'uhu wa hum yal'abun. Ils écoutaient ce verset et ils jouaient. Et ils donnaient aucune valeur, ils ne croyaient pas. C'est ça le sens du verset. Ça nous montre l'importance de la langue arabe et la gravité d'étudier cette langue, comme on a déjà cité, ces mots, dans certains cas, al-muhdath, c'est la créature. Lakin, c'est pas la créature, c'est pas possible. Et là, le Coran, il se contredit pas. Les savants, ils ont expliqué avec la langue arabe le sens correct. Cheikh l'islam, on finit sa parole quand même. Fa'inna Allah qad yanzil al-Qur'an shay'an ba'da shay'. Fa'al-munzal awwalan huwa qadim bin-nisba ila al-munzal aw al-munazzal akhiran. Na'am, hada. Donc les versets qui ont été descendus madalan il y a un an et les versets qui étaient descendus le jour même sur le prophète Aïssa sallam, celui qui est descendu le jour même, il était muhdath. C'était un nouveau verset, il venait d'arriver, il venait de descendre. Et les autres, c'était des anciens qui avaient été révélés un peu plus tôt. هذه بعض شبهات القوم. Ce sujet, il demande du temps, bien sûr, pour le saisir. Il y a beaucoup d'aqwal, khasatan, pour réfuter à Ahlul Bida'a. Lakin qalilan qalilan. Fil iqtisad, on avait cité des bases dans Al-Wasitiyya wa Al-Ilhamd. On a étudié certains versets, certains ahadiths. Et on vient d'étudier ensemble cette parole tayyiba, l'unanimité, la croyance des salafs fi hadha al-bab. Et on a terminé avec ces réfutations. Et at-tawassu' akthar, ceux qui veulent encore détailler, plus comprendre hadha al-bab, fi sharh at-tahawiyya, al-imam Nabil Izz, rahimahullah, il a cité beaucoup d'aqwal. Thumma, dans les livres de Cheikh l'Islam, Ibn Taymiyya et Ibn al-Qayyim, rahimahullah, ka mukhtasar sawa'iq, il a rad ala haoula. Et Inch'Allah, on essaiera de continuer hada, détailler un peu plus. Ahmad Tadmouria, il n'a pas cité cette mas'ala. Fi taqrib, il n'a pas cité cette mas'ala. Fi le Coran, en détail. Et il l'a cité. Fi le Hamawiyya, Inch'Allah ta'ala. Si on fait talkhis le Hamawiyya de Cheikh Al-Uthaymeen, le résumé, on essaiera d'ajouter certaines choses. Wa billahi tawfiq, wa naktafi bihada, wa alhamdulillah.